Je suis fâché de la mission que j'ai à remplir, mais je vous arrête. Général Fabio Conti. Fabrice crut que le maréchal des logis lui faisait une mauvaise plaisanterie en l'appelant général. Tu me la paieras, se dit-il. Il regardait les gendarmes et guettait le moment favorable pour sauter en bas de la voiture et se sauver à travers champs. La comtesse sourit à tout hasard, je crois, puis dit au maréchal des logis. Mais, mon cher maréchal, est-ce donc cet enfant de 16 ans que vous prenez pour le général Conti? N'êtes-vous pas la fille du général? Dit le maréchal des logis. Voyez mon père, dit la comtesse, en montrant Fabrice. Les gendarmes furent saisis d'un rire fou. Montrez vos passeports, sans raisonner, dit le maréchal des logis. Ces dames n'en prennent jamais pour aller à Milan, dit le cocher, d'un air froid et philosophique. Elles viennent de leur château de Grianta. Celle-ci est madame la comtesse Pietanera. Celle-là, madame la marquise del Dongo. Le maréchal des logis, tout déconcerté, passa la tête des chevaux et là tint conseil avec ses hommes. La conférence durait bien depuis 5 minutes lorsque la comtesse Pietanera pria ces messieurs de permettre que la voiture fût avancée de quelques pas et placée à l'ombre. La chaleur était accablante, quoiqu'il ne fût qu'11 heures du matin. Fabrice, qui regardait fort attentivement de tous les côtés, chercha le moyen de se sauver, vit déboucher d'un petit sentier à travers champs et arriver sur la grande route, couverte de poussière, une jeune fille de 14 à 15 ans qui pleurait timidement sous son mouchoir. Elle s'avançait à pied entre 2 gendarmes en uniforme et, à 3 pas derrière elle, aussi entre 2 gendarmes, marchait un grand homme sec qui affectait des airs de dignité, comme un préfet suivant une procession. « Où les avez-vous donc trouvés ?» dit le maréchal des logis, tout à fait ivre en ce moment. « Se sauvant à travers champs, et pas plus de passeport que sur la main. » Le maréchal des logis parut perdre tout à fait la tête. Il avait devant lui 5 prisonniers au lieu de 2 qu'il lui fallait. Il s'éloigna de quelques pas, ne laissant qu'un homme pour garder le prisonnier qui faisait de la majesté et un autre pour empêcher les chevaux d'avancer. « Reste, » dit la comtesse à Fabrice, qui déjà avait sauté à terre. « Tout va s'arranger. » On entendit un gendarme s'écrier. « Qu'importe, sinon pas de passeport. Ils sont de bonne prise tout de même. » Le maréchal des logis semblait n'être pas tout à fait aussi décidé. Le nom de la comtesse Pietranera lui donnait de l'inquiétude. Il avait connu le général, dont il ne savait pas la mort. « Le général n'est pas homme à ne pas se venger si j'arrête sa femme mal à propos, » se disait-il. Pendant cette délibération qui fut longue, la comtesse avait des conversations avec la jeune fille qui était à pied sur la route et dans la poussière à côté de la calèche. Elle était frappée de sa beauté. « Le soleil va vous faire mal, mademoiselle. » « Ce brave soldat, » ajouta-t-elle, en parlant aux gendarmes placés à la tête des chevaux, « vous permettra bien de monter en calèche. » Fabrice, qui rôdait autour de la voiture, s'approcha pour aider la jeune fille à monter. Celle-ci s'élançait déjà sur le marchepied, le bras soutenu par Fabrice, lorsque l'homme imposant, qui était à 6 pas en arrière de la voiture, cria, d'une voix grossie par la volonté d'être digne, « Restez sur la route! Ne montez pas dans une voiture qui ne vous appartient pas !» Fabrice n'avait pas entendu cet ordre. La jeune fille, au lieu de monter dans la calèche, voulut redescendre, et Fabrice, continuant à la soutenir, elle tomba dans ses bras. Il sourit, elle rougit profondément. Ils restèrent un instant à se regarder, après que la jeune fille se fût dégagée de ses bras. « Ce serait une charmante compagne de prison, » se dit Fabrice. « Quelle pensée profonde sous ce front. Elle saurait aimer. » Le maréchal des logis s'approcha d'un air d'autorité. « Laquelle de ces dames se nomme Clélia Conti ?»« Moi, » dit la jeune fille. « Et moi, » s'écria l'homme âgé, « je suis le général, Fabio Conti, chambellan de son Altesse Sérénissime, Monseigneur le Prince de Parme. Je trouve fort inconvenant qu'un homme de ma sorte soit traqué comme un voleur. Un homme comme moi ne prend pas de passeport pour aller de Milan voir le lac. Ce matin, à Côme, on m'a dit que je serais arrêté à la porte. Je suis sorti à pied avec ma fille. J'espérais trouver sur la route quelques voitures qui me conduiraient jusqu'à Milan, où certes ma première visite sera pour porter mes plaintes au général commandant la province. » Le maréchal des logis parut soulagé d'un grand poids. « Eh bien, général, vous êtes arrêté, et je vais vous conduire à Milan. Et vous, qui êtes-vous » dit-il à Fabrice. « Mon fils, » reprit la comtesse, « Ascagne, fille du général de division, Pietranera. » « Sans passeport, madame la comtesse ?» dit le maréchal des logis fort adouci. « À son âge, il n'en a jamais pris. Il ne voyage jamais seul. Il est toujours avec moi. » Pendant ce colloque, le général Conti faisait de la dignité de plus en plus offensée avec les gendarmes, et il se mit à jurer. Mais, pendant ce temps, les affaires allaient beaucoup mieux dans la calèche. La comtesse faisait marcher les gendarmes comme s'ils eussent été ses gens. Elle obtint du général irrité qu'il laisserait monter sa fille dans la voiture. À cette occasion, le général, qui aimait à parler de lui et de sa famille, apprit à ces dames que sa fille n'avait que 12 ans, était née en 1803, le 27 octobre, mais tout le monde lui donnait 14 ou 15 ans, tant elle avait de raison. Grâce à la comtesse, tout s'arrangea après un colloque d'une heure. Clelia Conti fut autorisée à accepter, pour revenir à Milan, une place dans la voiture de ces dames, et personne ne songea à arrêter le fils du brave général comte Pietranera. Après les premiers moments donnés à la politesse et aux commentaires sur le petit incident qui venait de se terminer, Clelia Conti remarqua la nuance d'enthousiasme avec laquelle une aussi belle dame que la comtesse parlait à Fabrice. Certainement, elle n'était pas sa mère. Son attention fut surtout excitée par des allusions répétées à quelque chose d'héroïque, de hardi, de dangereux au suprême degré qu'il avait fait depuis peu. Mais, malgré toute son intelligence, la jeune Clélia ne put deviner de quoi il s'agissait. Elle regardait avec étonnement ce jeune héros dont les yeux semblaient respirer encore tout le feu de l'action. Pour lui, il était un peu interdit de la beauté si singulière de cette jeune fille de 12 ans, et ses regards la faisaient rougir. Une lieue avant d'arriver à Milan, Fabrice dit qu'il allait voir son oncle et prit congé des dames. « Si jamais je me tire d'affaire, dit-il à Clélia, j'irai voir les beaux tableaux de Parme. Et alors, daignerez-vous vous rappeler ce nom, Fabrice Del Dongo ?»« Bon, dit la comtesse, voilà comme tu sais garder l'incognito. Mademoiselle, daignez-vous rappeler que ce mauvais sujet est mon fils et s'appelle Pietranera et non Del Dongo. » Après cette rencontre, les trois personnages arrivent à Milan, où ils apprennent que la situation de Fabrice est dangereuse, parce qu'il est recherché par la police autrichienne. Le jeune homme part alors s'installer en Piémont, près de Novare. La comtesse, pendant ce temps, fait jouer ses relations pour essayer de tirer Fabrice des griffes de la police qu'il pourchasse. Le chanoine Borda, qu'elle consulte, lui dit que Fabrice doit rester un temps en Piémont, y avoir une attitude irréprochable, aller à la messe, professer une horreur pour toute idée de révolte, et faire la cour à une jolie femme.